Des nazis, des cadavres surgelés, Grenoble, cette semaine on a maté les rivières pourpres et on en parle tout de suite. Alors McFly, on peut savoir quelle décision t'as prise en ce qui concerne le plan de ce soir? J'ai pas le temps de faire ça, j'ai matériellement pas le temps de faire ça. Qui me fait plus perdre mon temps, bordel de merde? Un tournage d'un film? Je suis confus. Pourquoi est-ce que je perds mon temps avec un broquignol dans ton genre, alors que je pourrais faire des choses beaucoup plus risquées? Comme ranger mes chaussettes par exemple. Bonsoir et bienvenue dans 2 heures de perdu, ce soir consacré aux rivières pourpres de Mathieu Kassovitz. À mes côtés ce soir pour en parler, Julie, bonsoir. Bonsoir. Comment ça va, Julie? Bon, un peu fatiguée, mais ça va. Qui c'est qui souffle là dans ton... Je sais pas, c'est pas moi. C'est pas moi. C'est Mickaël. Non. J'ai regardé tout le monde là pour savoir qui fait ça, mais... On entend la voix de Greg, bonsoir Greg. Ah bah oui, je suis là, bonsoir. Comment ça va? Ça va, super. Et bonsoir. Enfin, Mickaël, comment ça va? Ouais, pas mal. Non, ça va, ça va. Pas mal pour parler des Rivières Pourpres, un film de 105 minutes sorti en 2000, produit par les studios Canal, Gaumont, TF1, avec Jean Reno, Vincent Cassel. Et pour ceux qui ne se souviennent pas, ça ressemblait à ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Le corps de Rémi est accroché là-haut, à une cinquantaine de mètres. Je travaille sur l'affaire Rémi Quélois. Cette université est bâtie selon le principe d'une communauté. Accusé d'un d'entre nous, c'est nous accuser tous. Je cherche les parents d'une petite qui serait morte sur l'autoroute en 82. Judith Hérault. Bon sang, j'oublierai jamais le visage de la mère. Je vous parle de diable. Votre tueur vous donne des indices sur son mobile. Vous pensez que c'est un tueur en série? On a affaire à un pisteur. Voilà, voilà, donc on a affaire vraiment à un pisteur, hein, comme l'a dit, Jean Reno. Pisteur alpin, c'est pas incroyable. Voilà. Donc tout le monde l'a vu. Ça fait peur cette musique hein, derrière. Alors, la première question, est-ce que Greg, tu as eu le film? Non, je l'ai vu, J'ai pas maté l'accéléré. Alors, à quelle vitesse? Il a maté au ralenti, c'est possible. Arrêtez, arrêtez. C'est une légende. Je l'ai maté normalement. Est-ce que t'as aimé ce film, Greg? Eh ben, en fait, en le regardant, je me suis aperçu que je l'avais déjà vu. C'est très facile. Quand je m'en rappelais pas du tout. Mais c'est un peu comme Les Morsures de l'Aube ou un truc comme ça. Je sais pas, il y a des trucs français qui ressemblent vachement. Les Morsures de l'Aube, je sais plus quoi. Pas vu ça. Ça vous dit rien? C'est pas avec Asier Argento, ça? Non, c'est avec Guillaume Canet, je crois. Et Asier Argento. C'est toujours un peu le même truc avec des amphétamines. Enfin, des. Bon, bref. Qu'est-ce que t'en as pensé, Julie? J'ai trouvé que c'était... J'essayais d'être diplomate. Pas terrible. Et j'ai vraiment abdiqué à la fin, quoi. Genre, d'accord. Je déteste cette fin. Abdiquer, ça veut dire arrêter de regarder ou... Abdiquer, ça veut dire arrêter de enfin, mettre son cerveau sur pause et laisser ses yeux ouverts. Quoi. Et t'aurais pu mettre sur pause le film, du coup. Bah, moi, écoute, je trouve que c'est le meilleur épisode du Commissaire Maigret que j'ai jamais vu. Non, en fait, franchement, très honnêtement, hein, bon, j'ai trouvé ça pas si mal jusqu'à la scène des skinheads. Kassovitz nous donne une leçon comment tout gâcher un film en une scène. Quoi. Ouais, il mettait des petites piques avant. Oui, je vais gâcher un petit peu au début. Non, mais la première minute, je trouve que l'atmosphère est plutôt réussie en fait. Et je trouve que c'est Le bâtard, c'est ce que je t'ai dit au téléphone et tu répètes. Parce que moi, je suis. En fait, j'avais jamais vu ce film. Et je trouve que les 20 premières minutes de film, bon, t'enlèves Jean Reno et t'enlèves. En fait, t'enlèves tous les dialogues. Mais les accents aussi. Mais je trouve que tous les trucs, l'espèce de la montagne, la faculté hyper isolée et tout, c'est un environnement qui est hyper inquiétant et ça fonctionne. Et je me dis, putain, mais ça peut être un excellent film. Et ça va pas être le cas, en fait. Ouais, 21 minutes, ils en font un peu trop, en fait. Un petit peu trop. C'est surtout qu'on dirait du copier-coller de Mathieu Kassovitz, quoi. Enfin... Bah, c'est lui qui en fait. Il peut pas porter plainte contre lui-même. Hein, là. Ouais, mais c'est dommage. Mais c'est dommage. C'est pas bien du bon jeu, ce bar. Donc le film s'ouvre sur un générique que j'ai trouvé vraiment dégueu. C'est-à-dire, je me souviens même plus. Mais c'est des gros plans sur un cadavre avec de la musique. Ah oui, mais si, j'ai noté des trucs. Regardez, bah, pas du tout Eric Serra. Non, mais ça ressemble. C'est-à-dire que c'est complètement copié. C'est Bruno quoi. Coulet, c'est celui qui a fait la musique des choristes. Oui, mais celle-là, ça ressemble à la musique de GoldenEye 64. Quoi. Oui, mais sur fond de sang et de poils, quoi. C'est un générique de sang et de poils. C'est ça. C'est ce que t'as écrit, donc c'est ça. Voilà, c'est ça. C'est un peu crado. Et ensuite, juste après le générique, tu sais que t'es dans un thriller français parce que tu vois une voiture noire qui roule dans les montagnes. Peugeot. Peugeot, oui. Ouais, après tu vois Jean Reno qui fume des clopes directement. Oh, j'ai oublié, on n'a pas raconté l'histoire. Qui explique l'histoire, là? Ça, c'est comme à l'école, tout le monde baisse la tête, regarde dans son carton. Ah, je veux bien essayer, mais il va falloir m'aider, hein. Ok, personne n'aide Mickaël. Allez, Mickaël. Alors, ce que t'as compris, on ne demande pas d'expliquer la fin parce qu'elle n'a pas forcément beaucoup de sens. Raconte juste l'intrigue globale. Bah, l'intrigue globale, c'est simple. Hein. Il y a un meurtre. Enfin, il y a un cadavre, en tout cas, qui est retrouvé à 50 mètres du sol. Jean Reno qui enquête dessus, qui arrive de Paris pour pouvoir enquêter sur ce. C'est important, ça. Ah, oui, bien sûr. Comme ça lui fait les vacances en même temps. À la morgue, en fait, ils s'aperçoivent qu'il a les yeux arrachés et les mains coupées. C'est pas pratique. Hein. Attendez, juste là, je fais une mini pause dans l'explication. À ce moment-là, tu te dis, putain, le film, ça peut être hyper cool s'il y a une vraie symbolique et tout. Ça va pas être le cas, mais bon, c'est juste pour le gore du truc. Et oui, parce qu'à ce moment-là, moi, je me suis dit, bah, c'est forcément un aveuglement chaud qui l'a tué. Et pas du tout. Ou une taupe, du coup. Et du coup, en parallèle à ça, en fait, il y a un autre flic, interprété par Vincent Cassel, qui va enquêter, enfin, qui fume des pétards d'ailleurs, et qui va enquêter sur une profanation de tombe d'une gamine morte en 82 d'un accident de voiture et sur un cambriolage qui a lieu dans une école. Et on va s'apercevoir petit à petit qu'en fait, tout est lié. Tout est lié. Mmh. Ouais, ouais. C'est pas mal, hein? Tout ça sur fond justement d'université un peu chelou, perdu dans la montagne. Oui, on est d'accord sur le fait que c'est absolument pas exploité. C'est-à-dire que c'est l'introduction du film et tu dis il va y avoir une espèce de tension et tata. En fait non, on s'en branle en fait. On la verra pas là, l'université. Oui, c'est vrai qu'on voit bibliothèque. Enfin, on voit personne. Il y a des personnes de bibliothèque beaucoup. Ouais, mais on voit personne de l'université. Enfin, on voit très peu d'étudiants. Si on voit des étudiants, ils sont tous en jogging. Et non, ils courent tous. Alors moi, je suis déjà jaloux, ils ont tous des Adidas. Ouais, c'est vrai, on aurait dit toi. Ils sont en jogging dans la bibliothèque. Donc le film commence. Pardon, Julie. Non, j'allais dire que ça ressemble un peu au Poudlard des Ariens, en fait. On dirait une espèce d'université Harry Potter, mais avec que des Ariens dedans. Ouais, avec une seule école, quoi. Oui, il faut le noter. C'est important. En fait, est-ce que Greg sait ce que c'est que Poudlard? C'est la question que je me pose. Ah, c'est l'école d'Harry Potter. Ah, ok. Mais il n'y a pas de blagues chez Harry Potter, par contre. Si, il y en a quelques-uns, mais ils sont cachés. Je pensais que, parce que pour moi, chez Harry Potter. Bon, bah, vous voulez qu'on fasse le podcast sur Harry Potter ou on prend les rivières pour on va faire 8 films d'un coup. Donc, déjà, le film commence. Donc, Jean Reno arrive sur les lieux. Il y a tout de suite un clivage, c'est-à-dire la police de Paris, c'est-à-dire ténébreux avec un cuir. Ouais. Et la police de province qui sont complètement débiles. Mais alors ils sont tout le long du film, il y a tous les clichés. Sont, avec on se fait un ballon et ils sont vraiment complètement cons. Bah on se croirait dans le Taxi, non, avec ces flics débiles. Ouais, c'est très bessonien. Ouais, en fait, c'est ce que tout le long du film, je me suis dit putain, mais c'est vraiment des exagérations à la Besson. Le flic qui boit du pinard. À un moment, je me suis demandé putain, mais c'est Besson quoi. Non, sans déconner. C'est vrai. Moi, ça m'a fait penser à Dupont et Dupont aussi. Il y a plein d'autres référence. Ah, je vais penser à Besson et Besson, moi. Le truc, c'est que Mathieu Kassovitz, je pense qu'on l'a tout compris quand tu vois un peu ses films, il y a deux catégories de gens qui détestent, c'est les flics et les nazis. Bah, c'est vrai qu'il a fréquenté beaucoup de nazis dans sa vie, du coup, forcément, il a eu l'occasion de les haïr. Il aime pas beaucoup les nazis, ouais, ça... Donc du coup, je connais des nazis très sympas. Ça fait un point commun avec Indiana Jones, peut-être. Jean Reno, parcourt un peu l'enquête et tout. Alors c'est marrant parce qu'au moment où il arrive en fait sur l'enquête, donc t'as le flic. D'ailleurs c'est le flic qui joue le flic. Enfin c'est le mec qui joue le flic dans La Haine d'ailleurs. L'espèce ouais, il y a beaucoup de points communs avec La Haine. On abordera ça plus tard quand on parlera ça. Et en fait il y a une espèce de rivalité un peu entre les deux comme tu disais. Puis il lui dit mais que vient faire la criminelle là-dedans ? Alors moi j'ai bien réfléchi, mais en fait c'est parce qu'il y a un meurtre. C'est une criminelle spéciale qui intervient que quand les meurtres ont lieu à plus de 50 mètres de hauteur. Non mais surtout, genre il y a pas de brigade criminelle à Grenoble, tu vois, ils font venir un mec de Paris. Et le mec le plus ténébreux, le plus sombre et le plus mystérieux de toute la France. Grenoble, c'est quand même la ville la plus safe de France. Hein. Je sais pas si vous avez déjà été à Grenoble, mais c'est bonne ambiance, quoi. Tu vois. Bah pas pour faire de l'escalade et de la fanfare, j'ai aucune raison d'y aller, quoi. Et donc il ramène le corps. Enfin, il y a Jean Reno qui arrive chez le médecin légiste là justement et on voit le corps. Là, d'ailleurs le décor. Enfin, on se demande où il est. On a l'impression qu'il est dans un silo. Tu sais, il y a des briques. C'est une morgue. En fait, c'est une morgue mais de 1943 quoi. C'est-à-dire qu'ils ont récupéré des labos nazis qu'ils ont transportés à Grenoble. Ah bah oui. C'est vraiment glauquissime. C'est ultra glauque. Le cadavre rajouté, les murs de briques. C'est vraiment genre le paysage le plus glauque de tous les thrillers du monde. Ouais, enfin en même temps, et Jean Reno, quand il est face au cadavre, c'est pas un petit rigolo parce que lui, il y va avec les doigts hein, directement. Ouais. Hein. En même temps, si ça s'était passé dans une chambre d'enfant, je pense que le mec qui s'était occupé de la déco, il aurait tapé sur les doigts. T'es sûr que des fleurs violettes, ça va aller? Ouais, t'inquiète pas, je le sens comme ça, voilà, faites-moi confiance. Et là, dès le début, il y a le médecin légiste qui met ses grosses lunettes, tu sais, un petit peu. D'aviateur. Non, même pas d'aviateur, genre d'un clip de Marilyn Manson, tu sais, les trucs ultra gothiques, film, on se dit, oh là, lui, il est pas net. Et il va se passer un truc avec les yeux. En effet, le mec, il a pu arracher les yeux. Et alors, dedans, il y a de l'eau de pluie acide. On va jamais revenir sur ce point. Si. Bah, si. Mais si, bien sûr. Ah bon? Ah oui, bien sûr, bah, parce que justement, ils découvrent que c'est de l'eau de pluie qui date de 1960, je sais plus combien. Non, d'il y a 70 ans, je crois. Ouais, bah ça va. Mais c'est quoi l'explication? Putain, mais qu'est-ce qui s'est passé? Si, si. On va en fait, arriver. Si tu veux, parce que je pense qu'il ça se trouve, c'était un bon film, personne. Bah, je vous avoue, quand je vais pisser au milieu d'un film, je me passe sur pause. Donc, j'ai dû rater à ce morceau. Bah, c'est lié au quand ils descendent dans la cuve de glace après, non? Oui, c'est ça, ouais, en fait. Il a dû être. C'est de l'eau, en fait, qui s'est infiltrée dans ses lobes, en fait. C'est ça. C'est de l'eau de la montagne. Qui date de il y a 70 ans. Bon, ça n'a pas plus de sens, hein, mais d'accord. Bah si, parce que c'est la raison pour laquelle. Oh, tu vas m'agacer, toi, t'as pas regardé le film. C'est la raison pour laquelle il retourne en fait dans la montagne pour regarder les strates, tu sais, d'eau. Et elle lui dit, on va faire un voyage dans le temps même. Quand voilà. Ils descendent, bah, t'as pas vu le film, c'est pas possible. T'as pas vu le film. Et après, il retrouve un deuxième cadavre. Putain, mais mettez pas la pression, j'ai vu qu'il présente le plan, bordel. Film, bon. Bah moi, j'ai vu la haine en tout cas. Donc, je pense que ça suffit. Donc ensuite, alors très intéressant, il a pas d'œil, donc l'idée c'est bon, on va aller voir l'ophtalmo. C'est-à-dire que c'est une enquête qui est très logique. C'est ouais. Déjà, ce qui est marrant, c'est que le flic qui est débile, encore une fois, je reviens à la morgue, et il lui dit, je suis sûr que c'est pas un hasard cette position fœtale. Et le flic dit, c'est quoi position fœtale? Mais du coup, le... D'ailleurs, on revient pas sur la position fœtale non plus, quoi. Oui, c'est vrai, par contre, on revient si, pas. Si, mais si, il y a des images quand il trouve les documents, les photos et tout ça sur le bureau, ah, oui, on voit. Vrai. Mais oui, mais oui. Ouais, vraiment, il y a un truc, il y a un moment, faut te construire ton film, quoi. Mais t'as pas vu le poster dans le fond? On expliquait la pluie parce que c'était écrit en petit. Non, mais bon, ça va, il y a un moment, faut nous le dire. Donc, on va voir le médecin des nœuds parce que le type, il en a plus. Et là, moi, un truc qui m'a fait éclater derrière, c'est-à-dire qu'il arrive chez l'ophtalmo. Ouais. T'as pas un aveugle, non? Non, non, non, non, non. T'as un enfant vraiment aveugle. C'est-à-dire, c'est-à-dire qu'il est borgne des deux yeux. Il a les yeux tout gonflés des deux côtés. Il a le chien d'aveugle le plus violent du monde. Ouais. Vraiment, c'est des petits labrador d'or blanc super adorables. C'est un espèce de dober ultra violent, tu vois. Ouais, c'est un mais ce qui est marrant, c'est que lui, tu vois, genre, il sort de chez le médecin et genre, il y a quelqu'un qui rentre, il fait C'est qui? Et il commence à stresser à mort et à agresser le gars alors qu'il est chez le médecin. C'est bon, mec, t'es pas chez toi. C'est bon, on va pas agresser les autres clients, quoi. On est dans la salle d'attente. Mais qui est là? Qui est là? Du coup, ça, c'est moins un quand même hein, pour le film, parce que c'est vraiment effet avec la musique qui vient derrière. Adam, ah oui, genre oui, le oui, oui, gueule, oui. Tu vois, tu dis bon, bah, c'est oui, bon. Oui, j'en ai pas parlé. La musique, elle fait toute l'attention du film. C'est-à-dire que des fois, il ne se passe rien. T'entends, tin, genre le truc, mais il se passe rien là. Je peux pas stresser, mais donnez-moi des trucs à croquer. Et là, il y a ça dans la salle d'attente. Il y a la musique hyper stressante, le chien qui aboie, le petit qui est là. Mais qui êtes-vous? Dites-moi qui vous êtes. Et Jean Reno qui a peur des chiens. Oui, c'est pour montrer en fait que Jean Reno a peur des chiens. Ouais, mais alors ça c'est intéressant, c'est-à-dire qu'on s'arrête c'est la première fois de ma vie hein, que dans un film on s'arrête vraiment sur la phobie d'un mec début de film. Elle va pas servir. Non, si, ça sert une demi-seconde quoi. Quand ça sert pas. Le clébard, ouais, si, mais non, parce qu'il traverse. Moi, je me suis dit que c'était une demi-phobie et qu'après, à la fin du film, il allait avoir un vrai truc. Si, parce qu'il y a un truc à la fin, il est retrouvé par un chien quand ils sont dans l'avalanche. Mais bon, mais t'introduis pas le truc. Bon, non, mais d'accord, moi je suis d'accord. Bon, alors, le cabinet de l'ophtalmo, il date aussi du 17e siècle. Je sais pas si vous avez remarqué. C'est le seul ophtalmo qui n'a pas ses propres lunettes, d'ailleurs, qui est obligé d'utiliser donc les lunettes de travail qu'il a. Il a pas de paire de lunettes en fait. Moi, ce qui m'a surtout choqué, c'est que l'ophtalmo se retrouve en slip devant ma salle d'attente. Il y a quand même un flic qui vient te voir pour un meurtre et toi tu te fous en slip quoi. Psychologiquement c'est bizarre quand même, c'est un peu débile. Le mec se change direct. Tu sais quand t'as fait 10 années de médecine. C'est limite s'il se met pas un suppôt quoi. Vous me faites pas bicule. Et là, donc là, je pense que voilà, on en meurt d'envie tous, là. C'est l'introduction de Vincent Cassel. Alors. Oh là là. On fait un plouf ou? Qui le fait? Vincent Cassel, il est dans une Tessie. Il est dans une Tessie. Il est dans la Tessie de la montagne. Il est en train de fumer des petits bars. Il est en train de fumer le cul de la vieille. Le cul de la vieille. Non, mais vous avez vu la cité? Enfin, la cité, les tags, c'est le stagiaire qui les a fait, les tags. Ils sont trop moches. Et les gars, ils sont là et ils ont un accent mais qui sort, enfin je sais pas d'où il sort quoi, mais ça fait trop un racaille de Grenoble, enfin moi je connais bien le racaille de Grenoble. non, c'est un peu bizarre, c'est un peu et bizarre. Surtout il a genre 25 ans, les flics qui viennent le chercher c'est leur demi-dieu, le gars il leur parle trop mal et tout, et il a alors, genre la métaclasse du film, c'est lui qui va avoir la classe pendant tout le film, tu le sais quoi. Bah, ouais, en fait, il a la classe parce que c'est dit dans le film, mais sinon enfin quand tu regardes le film tu trouves pas qu'il a la classe. Ah bah non, mais je pense qu'en 2000 tu te dis putain, le mec a trop la classe en vrai, quoi. Ah, aujourd'hui, c'est plus le cas, quoi. Mais en fait, je pense que Kassovitz s'est dit bon, on va essayer de faire un flic cool. Bah, un flic cool, c'est un mec qui fume des joints, qui traîne avec des jeunes, quoi. Mmh. Ouais, mais c'est-à-dire qu'à 9h du mat, il s'éclate un pétard dans la bagnole des flics. Moi, je lui confierais pas une enquête, hein, perso. Hein. Et après, il va enquêter, mais genre, ça lui fait rien, le mec, il s'envoie un gros bar, après, il va dans une école. Vas-y, c'est où le truc. Après, il va voir la bonne sœur aussi, quoi. Ce qui est fou, c'est quand même que Kassovitz, ça fait de Cassel. Genre, Cassel, c'est le flic qui pose le plus de questions à la minute. Je sais pas si vous avez, genre, testé ça. C'est-à-dire que vous laissez, vous regardez le film. En fait, vous apercevez qu'il parle tellement vite qu'il a posé, genre, 12 questions à la seconde. Tu sais qu'il avait hésité avec Julien Lepers sur le rôle. Et l'on recherche une énigme. Il y a un truc aussi qui va me gêner, en fait, avec le personnage de Vincent Cassel. C'est que autant l'enquête de Jean Reno, je la trouve relativement conne mais logique, autant celle de Vincent Cassel, c'est vraiment, il trouve une tombe profanée et un machin, et là il se dit, je vais complètement fouiller dans le dossier, je vais aller à la DDE, enfin il va faire des trucs absolument genre, pourquoi tu fais tout ça en fait, ça sert à rien, tu dis bon bah voilà. Moi j'ai beaucoup de trucs à dire sur son enquête, je reviendrai après. Ok. Mais il y a vraiment beaucoup de trucs parce que son enquête elle est un peu merdeuse comme. Moi j'avais vraiment ce problème-là d'intuition inexpliquée, donc il va à l'école. Lueld aussi, il a disparu, il n'y a pas d'effraction. Bon, bah, ok, un vrai flic, il fait, bon, bah, voilà, de toute façon, il vaut combien votre dossier? Combien ça vaut, Greg, un dossier? Non, je pas estimé. Il va voir la tombe profanée, c'est pareil, donc là, il y a des croix gammées dans tous les sens. Il fait rien de plus, et là, il se dit, bon, bah, je vais aller à la DDE pour avoir les circonstances de la mort de la gamine. Enfin, c'est hyper compliqué, hein, quand même. Ouais, surtout qu'à la DDE, moi ce qui me fait marrer, c'est que avec le gars là. Bah, il y a DD de la DDE. Il y a DD de la DDE, il se tutoie directement, tu sais, il y a une proximité, genre. Ah, bah, alors, comme DD, ça, les Grenoble. Tu peux regarder. Ah, bah ouais, mais tu vois, Vincent, bon, on est pas le voir. Il y a un truc qui m'a fait vraiment marrer, c'est que on est en 2000. C'est très important ce truc parce que je vais revenir sur la scène de combat parce que derrière il y a un jeu vidéo. Là, il y a un ordinateur dans cette scène. Et donc, on est en 2000, donc. C'est pas hyper connu encore l'ordinateur, mais je pense que c'est pas hyper connu, mais juste pour le cinéma français. C'est pas pour nous. Non, non, parce qu'en fait, à un moment, Vincent Cassel, il regarde le vieux, il dit, tu sais, il y a un ordinateur dans la pièce, et il fait, tu sais te servir de ce machin, toi? Genre, waouh, un ordinateur! Et le vieux, il fait, mais bien sûr que je sais m'en servir, tu sais, genre, c'est le cliché du vieux geek, et le mec, il tape avec un doigt sur le clavier. Genre, il met 2 heures à taper la requête. Donc, enfin voilà, moi, à part ça, sur Vincent Cassel, son enquête n'a aucun sens. Ouais. Bouf. Ouais. Bah, vous en branlez, globalement. Non, non, non. Moi, le problème que j'ai avec Vincent Cassel dans ce film, c'est qu'en fait, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui lui dit quelque chose, il le prend pour argent comptant. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Je leur raconte pas. Est-ce qu'on passe à Jean Reno, peut-être, non? En fait, on va à Jean Reno, on va surtout passer à mon personnage préféré, qui marque le record d'apparition dans 2 heures de perdu. C'était son premier rôle. C'est Laurent Lafitte, qui est là son pour premier la rôle troisième fois. À ne pas confondre avec... Mais qui est... Alors, et là, je m'engage que France. Je trouve très bien, moi. Ah bah ouais. Il a un petit rôle, mais il est très bien. Ah oui, il est bien. Oui, oui. Enfin bon, il a pas. Moi, Laurent Lafitte, chose à faire non plus, quoi. Ouais, bah, il est bien en fils de doyen de la fac. Dit trois phrases. Mais quand il devient méchant, je trouve qu'il est déjà plus crédible, Laurent Lafitte. Laurent Lafitte en méchant, ça me fait. Ouais, même en cadavre, il était pas bien. Il y a un truc donc pareil dans le film en général. C'est simple. T'as Jean Reno, Vincent Cassel, ils portent des blousons en cuir noir. Tous les profs, ils ont des vestes en velours à rond de cuir et tous les flics sont en tenue de gendarme et c'est tout. Il y a personne d'autre, il y a pas de civil, il y a rien d'autre dans ce film. Vas-y, il y a les gens en jogging aussi. Tu les oublies. Oui. Ah oui, il y a les Didas. Ouais. Et c'est assez marrant. Vous avez quand même remarqué ce truc, on en a pas parlé, mais quand le flic accompagne Jean Reno pour la première fois dans la fac. Il lui dit, non, c'est une fac très réputée, c'est là que sont formés les futurs Bill Gates. Là, oui, Bill Gates. Moi aussi, je l'avais noté, les Bill Gateux. C'est incroyable. Le Bill Gates. Après, il y a l'introduction de la gonzesse du film, je ne sais plus comment elle s'appelle, qui fait de l'escalade. Personne n'a rien à dire. Je sais plus son prénom non plus. J'ai pas dit. Si, bah, évidemment. Ouais, Christelle, on peut l'appeler Christelle. Ouais, on va l'appeler Christelle. Non, mais il y a un truc qui est génial, c'est que tu sais, elle est en train de monter la piste la plus dure. Tu sais, elle est vraiment à l'envers, tu vois. Elle est en train de monter une piste de ouf. Et là, elle voit Jean Reno, genre, elle lâche les mains, elle descend tout en bas, elle commence à discuter. Mais tu sais, en même temps, elle détache son mousqueton. Reno lui pose 2 questions et elle, en même temps, elle se déshabille. Et le temps que Reno pose 2 questions, elle s'est déjà barrée du truc. C'est-à-dire que, bon, c'était la fin de séance la plus rapide du monde. comment on quand tu vas à l'escalade là-bas, il y a ses affaires par terre. Non, c'est drôle, c'est qu'il continue son interrogatoire sur à peu près genre 300 mètres comme ça en la suivant. Ouais. Limite, elle s'enfilerait un jogging dans la foulée, il la suivrait en courant. Bon, en même temps, il a vu un ophtalmo en slip, donc. Donc elle est glaciologue, je l'ai écrit, hein, parce que voilà, c'est un métier qui est pas très commun. Oui, c'est vrai. Ouais, ouais. Bah, disons qu'à l'école, quand on te demande ce que tu veux faire, glaciologue, effectivement, c'est pas le genre de truc que tu dis en général. Non, il y a pompier, vétérinaire, glaciologue. Troisième position. Mais attends, ça reste plus classe que glaviologue. Hein, juste avant, genre, Renaud va rencontrer quand même le directeur, le proviseur de l'école. Ouais, bah, on en a parlé, t'étais pas là, tu visais tes notes. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'il se fait accompagner justement à ce moment-là par Laurent Lafitte. À la chambre qui sait pas du tout où c'est en fait. Qui passe à côté, c'est Jean-Reno qui dit c'est là. Jean-Reno connaît mieux la fac que voilà. Moi, ce qui fait bien, c'est que le proviseur fait accuser quelqu'un, c'est nous accuser tous. Ouais. Et du coup, genre, c'est un argument massue qu'on sait contre le flic, quoi. Genre, si t'en accuses un, tu nous accuses tous, donc tu peux pas le faire en fait, quoi. Ouais. Et le flic, bon. Puis surtout, c'est tout compte que c'est ok, bah, je vais rentrer à Paris alors. Non, mais tout le long du film, c'est ça en fait. Et donc après, on retourne sur Vincent Cassel. Qui découvre la mère de la petite fille. Ouais, dans un couvent. Ouais, dans un couvent. Ouais. Oh, les flics, ils arrivent, donc ces acolytes ils font joujou avec les bonnes sœurs. Bah, surtout, ce qui est très drôle, c'est que les bonnes sœurs ont 17 ans, alors qu'on sait que la moyenne d'âge d'une bonne sœur en France, c'est 85. Bah, alors, il y a sœur machin qui vit dans les ténèbres, là. Donc, la fameuse, la fameuse mère de la fille qui est devenue folle et voilà. Machin. Elle vit dans le noir complet, les ténèbres. Mais comment elle va à la banque? Mais en fait, on n'a pas besoin d'aller à la banque, hein. Ah bon? Oh bah, je crois pas. Hein. En fait, elle est un petit peu, elle est mise à l'écart parce qu'elle est folle. En fait, ils se rendent compte qu'elle est folle. Et j'imagine trop la mère supérieure qui dit bon bah non mais Jocelyne, elle commence à perdre la boule, on va la foutre à la cave, hein, parce que ça va libérer une chambre. Ça, bon, en plus, vu qu'elle est aveugle, elle y verra que du feu. Moi, ce qui me fait marrer, c'est que la bonne sœur lui dit. Enfin, c'est parce qu'elle est aveugle qu'on est obligé de l'enfermer dans le noir. Enfin, la fenêtre, tu vois, ça a aucun sens. Elle est vraiment dans un sous-sol. Elle est vraiment dans une cave. Non, mais il y a une fenêtre qui est fermée. On peut l'ouvrir au moins. Ça peut. C'est que la bonne sœur de l'accueil lui dit ça fait 15 ans qu'on l'a pas vu, ça fait 15 ans qu'elle voit personne, mais par contre elle va quand même vous recevoir, vous le flic que personne ne connaît, elle va faire une exception pour vous, hein. L'autre il éclate son star à la sortie. De tout ce qui est fou, c'est que dans les couvents généralement tu fais un vœu de silence, pas un vœu de non-voyance, quoi. Enfin... Non, mais c'est marrant parce que quand il se retrouve dans cette pièce complètement sombre face à cette nana aveugle qui a les yeux juste blancs, en fait, t'es plus dans Liverpool, t'es dans Evil Dead, quoi. Ah oui, c'est ça. Hein. Bah, surtout que c'est du jamais vu. Je pense que ça a vraiment été écrit uniquement pour ce film. Elle sort cette phrase, sauvez votre âme. Et là, pareil, tu vois, c'est vraiment pour créer l'atmosphère du thriller. Tu te dis, putain, il va se passer un truc derrière. Non. Il n'y a rien, en fait. Surtout qu'elle parle de diable et tout. Donc, tu te dis, ça pourrait vraiment facilement partir sur un truc cool et intéressant et fun et en fait. Non, voilà. Alors, dans la scène, en fait, avant, je reviens un peu en arrière, où il parle à la nana, Jean Reno, donc quand il découvre la fille qui fait de l'escalade, il discute avec elle. Elle est pas du tout coopérative, elle ne va pas du tout l'aider. Elle va lui dire, écoutez, vous avez mon numéro, mais je m'en branle, voilà, je veux plus vous aider. La scène d'après, Jean Reno, il est en hélico avec elle, et elle fait, alors là, c'est les glaciers, là, c'est ça. Enfin, tu vois, limite, c'est sa meilleure pote. Ils sont partis en balade, quoi. En rentrant, on s'arrête au campanile, tu m'avais promis. Hein. Oui. Et donc là, ils sont sur le glacier, ils rentrent dans le trou qui est absolument pas naturel. J'ai déjà vu ce truc-là, c'est pas du tout naturel. En fait, c'est un truc qui est creusé par l'homme. Et ils trouvent le corps, mais directo. C'est-à-dire que le mec s'est fait chier à aller monter un corps sur le glacier. Ouais. Et il rentre dans le trou et il dit, bon, bah vas-y, je vais me mettre directo au statue. Il dit, t'aurais pu aller un petit peu plus loin dans le glacier pour le planquer. Déjà, il trouve direct le corps. Avant de trouver le corps, moi, ce qui me fait marrer, c'est qu'il est dans le glacier, il descend de genre en rappel sur 3 mètres, c'est avant d'aller dans la grotte, mais vraiment 2 secondes. Et au bout de 2 secondes, il fait, je comprends pas, il devrait y avoir un indice. Tu sais, le mec s'énerve, tu vois, genre, putain, il manque un indice. Tu sais, le mec, il est en train de jouer à Zelda, genre, là, logiquement, je dois trouver un truc, je dois trouver un objet. Tu sais, le mec, ça fait 2 secondes que t'es là, t'as pas non plus de démasquer. En même temps, il cherche pas longtemps avant de le trouver. Il insiste à mort sur, le tueur veut nous dire quelque chose. Ah bon, il a juste arraché une paire de mains, les yeux. Mais en même temps, elle l'empêche un peu de trouver ce qu'il cherche aussi. À chaque fois, elle l'emmène, mais elle veut pas l'amener, en fait. Mais c'est ça qui est marrant. Elle fait, ok, je t'emmène, mais non, va pas trop loin, quand même. C'est quand reste là. C'est quand il descend, elle fait, non, non, c'est très dangereux, il faut pas y aller. Et puis après, il descend, et puis elle suit, quoi. Genre, c'est très dangereux, mais on y va quand même, quoi. Bon. Surtout que en plus lui il a pas peur du tout. Enfin je veux dire, moi je suis là pour la première fois, déjà descendre en rappel tout seul avec une meuf dans une espèce de glacier, mais jamais j'y vais. Ah, mais je trouve un cadavre, c'est bon, je dors sur place, je vis sur place en fait. Enfin, c'est fini, je rentre plus, quoi, je bouge plus. Ouais. Enfin bon. Ensuite c'est la scène dont on attend tous. C'est la meilleure scène du film. Donc c'est la scène de la meilleure scène du film. Ça, c'est vraiment. Moi, j'ai eu un problème parce que je l'ai regardé sur VHS et j'avais enregistré quelque chose par-dessus. J'avais enregistré La Haine et Karate Kid. Karate Kid, j'y ai pensé aussi. Donc là, c'est la baston où il se bat contre Ricky Ramsey. Non, c'est une horreur. Ah, mais alors. Ah, c'est une horreur. Alors, il y a tout, c'est-à-dire qu'il y a le. Qu'est-ce qu'il y a, McFly? T'es allé voir? Parce qu'il allait partir, et à un moment, il fait fils de pute. Et l'autre, il s'arrête, il fait personne. J'ai bien dit personne. Ne me traite tellement bien. Mais faut quand même expliquer un petit peu. Faut quand même expliquer aux auditeurs peut-être. Explique donc. Et ben en fait, comme il y a eu des croix gammées sur la tombe de profanée de la gamine. Il va au club de boxe, ce qui est logique, hein. Il va. Du coup, il va chercher les skinheads. Bah parce que on est à la campagne, donc il y a forcément 4 skinheads par campagne. Ça, c'est les chiffres de l'INSEE. Voilà. Et donc, il va les interroger pour savoir si c'est bien eux qui ont profané la tombe. Et comme Mathieu Kassovitz, je le répète, n'aime pas les skinheads, fallait qu'il en casse un petit peu du coup dans surtout son film. Surtout qu'à part les deux mecs qui jouent à la PlayStation et qui sont vraiment skinheads, les deux autres, ils ont l'air tout à fait normaux et sympas. Oui, il y a marqué déjà, pouvoir blanc derrière. Attention, vous n'avez pas vu les détails. Ah, j'ai pas fait gaffe. Ah oui. Et donc du coup, il y a une scène de baston, mais ils se battent vraiment en faisant du coup de fou, quoi. C'est juste ridicule. Je sais pas si vous avez entendu les sons. Mais en fait, c'est ridicule, les bruits. Moi, c'est une petite astuce de mise en scène, hein. C'est très intéressant puisqu'il y a le jeu vidéo derrière. C'est lié au jeu vidéo. Et oui, il utilise les sons du jeu vidéo derrière. T'as pas vu que quand il commence à combattre, t'entends round one, et ensuite ils se battent et tout. Et à la fin, tu vois, Cassel, il part, et tu vois les cadavres derrière des mecs qui tombent du billard, et t'entends congratulations. Non, mais genre, c'est vraiment complet. Ouais, non, j'ai pas calculé. C'est infernal. Faut que tu le revoies. Donc évidemment il sort de là, donc les flics neuneux, eux, bah ils étaient en train de picoler parce que il faut quand même dire aussi que les mecs castagnent un flic, ce qui est comme, enfin je sais pas si vous essayez de castagner un flic, vous il a posé son arme. Je suis plus un flic là. Il a pas peur de castagner un flic et à la fin le mec lui dit mais c'est pas nous, et là Cassel part avec genre ah c'est pas eux, parce qu'ils vont dire c'est pas eux, quoi, tu vois. Et donc c'est pour ça que je disais ça au début. À chaque fois que quelqu'un dit quelque chose à Cassel, genre c'est pas moi. Ah bah c'est pas vous. Bah pourquoi vous l'avez pas dit avant? Non, parce que moi je suis flic, mais si vous me dites que c'est pas vous à ce moment-là, je vous crois, quoi, tu vois. Mais il y a la petite vanne. Ça vraiment nasse, quoi. À chaque fois il y a la petite vanne à la même, moi je dis c'est les films de Besson aussi du bah pourquoi vous me l'avez pas dit? Bah vous nous l'avez pas demandé. Mais ça c'est le dialogue le plus pourri de l'histoire du dialogue, c'est pas possible, quoi. Il faut arrêter avec ce dialogue en effet. Ça suffit. Ouais, moi j'avais une ex qui me dit ça tout le temps. Ouais, je règle mes problèmes perso. Là, je reviens sur les flics qui picolent. Donc, ils sont vraiment cons, tu vois, du début à la fin du film. J'ai un petit medley en fait de leur connerie. Ah. Même certain que la position fœtale était pensée. Position quoi? Fœtale. Tu fumes? J'ai toujours fumé. Bah, tu fumais pas avant. Bah, maintenant, je fume. Ah oui, mais écoute, tu fumes au service. Bah, il fume bien lui là. Bah oui, mais lui c'est un gradé, toi t'es un troufion. Bah toi t'es quoi toi? Il y a eu un cambriolage la nuit dernière au cimetière. Au cimetière on dit profanation. Ouais bah une profanation, il y en a eu une à l'école primaire aussi. On dit cambriolage, oui. Qu'est-ce que tu fais là? Bah je viens avec toi. Non reste là, ça va. Je veux juste leur faire. C'est super bon ton pinard. Ah c'est bizarre. C'est un pur bol de fruits. Ah vraiment super. Pur bol de fruits. Qu'est-ce qui s'est passé? Une liste de toutes les lanas blanches dans la région. Toutes les lanas blanches de la région. Dans une heure. Et ça s'écrit là-bas. Je sais pas, Vas-y, dis-moi, faut que je note quelque chose. Lada. Lada. Donc ils sont vraiment cons, hein. C'est ça. Ils font aucun effort. Donc là, je l'ai placé à ce moment-là, c'était attention, stratégique, puisque c'est pour parler de la Lada blanche et de le genre, il a trouvé la Lada blanche encore plus rapidement que Keanu Reeves a retrouvé le bus dans Speed. C'est-à-dire que non, mais en plus toutes les Lada blanches, mais il en reste combien des Lada blanches aujourd'hui en France? Tu fais une liste des Lada blanches en France, il y en a deux, quoi. Mais c'est deux collectionneurs, quoi. Tu vois, il y a rien d'autre, quoi. Donc il y a un mec à Trouville. Mais en fait, et surtout, donc il y en a, je sais plus combien, 18, et tu vois, il l'appelle au téléphone, Cassel, et il fait, ouais, mais il y en a combien, machin? Ah, machin, il y en a qu'une. Donc ils ont déjà un dictionnaire des Lada blanches par ville. Qui permet de résoudre l'enquête vraiment très rapidement. Il va voler une SAP 93. Je sais pas si. Oui. J'ai pas compris d'ailleurs pourquoi c'était pas nécessaire en fait de faire ça, non? De voler une SAB? Ouais. Mais... Bah si on enlève tous les trucs qui sont pas nécessaires dans ce film, il reste 15 minutes. C'est pas parce que sa voiture ne démarre plus? Ouais, mais c'est un peu rapide quand même. Enfin, tu vois, sur ma caisse, elle démarre pas. Je trouve peut-être une autre solution que de voler une caisse, quoi. Tu vas au commissariat. T'es pas Vincent Cassel. Mais sachant que t'es flic, tu sors pas de la haine. Enfin, tu vois, genre. Et donc, après, il va. Ils seront au labo là. Ils seront au domicile en fait de la. Il est en train de crocheter la serrure, mais. Alors c'est marrant parce qu'il y a deux écoles à la police. Mais c'est exactement. Ouais. Vas-y, je te laisse le faire. Il y a deux écoles à la police. Il y a celui qui essaye de crocheter la serrure avec un laserman. Et il y a celui qui défonce la porte. Ce qui ne marche plus depuis 1905, quoi. Tu vois. Oui, exactement. C'est vraiment Cassel versus Reno. Voilà, Cassel arrive avec son laserman, il essaye de crocheter la porte. Jean Reno arrive derrière, donc c'est là qu'il se rend compte d'ailleurs. Et Jean Reno défonce la porte. Ils auraient peut-être pu frapper, non, je sais pas. Avant de... Donc là, ils se rencontrent. Là, Jean Reno, il va se rendre compte que Cassel, bah, c'est pas un plus plaisantin. C'est pas pardon. C'est pas un petit plaisantin. Non, non, là, c'est chaud. Hein. Moi, j'ai eu. Et Cassel. Vas-y, beaucoup pas. De mal au niveau du jeu d'acteur là quand ils sont tous les deux. Ouais, c'est chaud. C'est, en fait, je pensais que c'était. Enfin. Mais tu le vois même sortir du personnage à un moment, Cassel, quand il lui dit de traverser avec les chiens, il fait viens, viens. Et à un moment, il rit. Ouais. Et tu vois vraiment que c'est son rire à lui, genre, même ce qu'il dit, c'est ça, il est pas ouais, comme moi, je suis trop mal. Je suis trop nul. Oh la guerre, c'est naturel. Attends, moi, il y a un truc. Ça, c'est du Gilles Lelouch. Il y a un truc qui m'a fait marrer, c'est que, à un moment, il est dans le labo des chiens. Ouais. Et il soulève, et genre, il y a un chien mort, il fait, oh, le bâtard, il a tué un dober. Genre, il se vénère parce qu'il a tué un chien. Ouais. J'ai d'ailleurs un petit montage Vincent Cassel, on se l'écoute tout de suite. Ouais, le vieux couple, là. D'abord, qu'est-ce qui se passe, là? Pourquoi vous êtes venu me casser les couilles? Putain, deux dans la journée, les affaires reprennent, les gars. Bon, hey. Tu nous emmènes au cimetière, on commence par là, je suis de bonne humeur aujourd'hui. Tiens, filme-moi plus tard. Qu'est-ce que t'as aujourd'hui là? Mais y'a rien. Pourquoi tu me fais chier? Je te fais pas chier. Encore eux. Ah, tu crois que je te fais chier moi quand tu prends tes 8 apéros? Bon, hey, on se calme là, on est en service, on dirait deux poules, c'est quoi ça? Fais le malin parce que t'as un condé, prends ta plaque et ton calibre, qu'est-ce que tu fais toi? Qui hein? Te pute pas? Eh, hey, je te pute pas. Mon calibre. Ma plaque. Là, c'est bon, c'est bon, là. C'est bon. Qu'est-ce qu'il a dit, ton copain? Vas-y, je suis plus un flic, là. Qu'est-ce qu'il y a? T'es plus qu'un, là. Il y a plus de police. Le cowboy, il est parti. Je me touche pas. Je suis flic. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Pourquoi je suis pas là? Qu'est-ce qu'il lui a dit, déjà? Flic, fils de pute. Et alors? Fils de pute. Râlez-en. Tu es. Non, attendez, là. Vous savez ce qu'il fait, ce mec? Tout. Hey, non, mais là, on est dans le laboratoire d'un mec qui s'amuse à faire des expériences sur les chiens, là. Vous savez, les mecs qui font de la génétique, qui essaient de trouver la race de bonheur parfait. Ah, ça, carrément, il y a tout le matos. Oh putain, je reconnais trop bien le matos d'un laboratoire d'expérience scientifique sur les chiens. Matériel que je connais très bien. En fait, il a pas l'air plus malin que les autres flics, hein. Juste, il les maîtrise, quoi. Ah ouais, mais là, non, mais en fait, c'est ça, il y a un vrai rapport de domination, je te domine. C'est vrai. C'est assez bizarre. Du coup, il y a quelqu'un qui arrive dans ce labo? Il y a quelqu'un qui était dans le labo. Non, on va pas trop vite. Après, ouais. En fait, ils vont chez l'ophtalmo. Ils retrouvent. Et c'est chez l'ophtalmo qu'ils retrouvent le corps de l'ophtalmo en Jésus-Christ, machin, ouais. Avec du sang partout. C'est tellement c'est là où il y a quelqu'un. Attends. C'était l'ophtalmo, hein? Bah ouais, oui. Ouais, c'est l'ophtalmo. Ah, mais il était pas en slip, j'ai pas reconnu. J'avais même pas calculé que c'était l'ophtalmo. Non, non, mais en plus, c'est pareil, il y a ce truc-là. Tu vois, chaque scène de crime a une signification et à chaque fois, on n'explique rien et on n'expliquera jamais rien de toute façon. Quoi. Ouais, bah, ouais. Voilà, là, la position du Christ avec les yeux qui saignent, bah, je comprends pas trop. Quoi, tu vois, non, bah, il était ophtalmo, hein. Oui. Voilà. Il y a la course-poursuite avec la meuf qu'on reconnaît vraiment direct. Bah, en fait, il faut quand même dire que. Non, mais elle apparaît comme ça d'un seul coup. Elle est en derrière poncho. Le rideau. Elle apparaît en poncho directement. Mmh. Et alors, c'est quand même fou que tu dises qu'on la reconnaît immédiatement. Parce que tu sais qui joue cette personne en poncho quand il y a la scène où il le braque avec un flingue. Putain, me dis pas que c'est Gilles Lelouch. Et ben, c'est Mathieu Kassovitz qui est sous le poncho. Donc, ça veut dire que tu penses que Mathieu Kassovitz est une gonzesse. Et moi, je pense qu'il va t'en faire chier en fait s'il entend ce podcast. Ah bon? Ouais. Chance, c'est un caméo de Mathieu Kassovitz, petite anecdote. Ah ouais. Voilà. Parce que moi j'ai vraiment vu une silhouette féminine. Enfin, de toute façon, c'était tellement évident. Il y a très peu de personnages qui sont introduits, donc c'est forcément un mec que tu connais qui court. Mmh. Ça peut être que la meuf, c'est la meuf que tu suspectes le moins, donc c'est forcément ça. Mais d'ailleurs, c'est le tueur de Souviens-toi l'été dernier, du coup, c'est ça, non? c'est le même gars, ouais. Ouais, c'est lui, ouais. Moi, je l'ai maté avec un ami, et à ce moment-là, il fait. Et je l'avais jamais vu, hein. Et à ce moment-là, il fait. Bon, ok, c'est sûr, c'est des conneries avec des jumelles. Bam, il avait trouvé à ce moment-là, quoi. Moi, j'avais juste trouvé que c'était la meuf, lui, il avait trouvé que c'était des jumelles. Mm. Le truc, il est à 100 km. Mm. Mais c'est qui, ton pote il est quand même clairvoyant, parce que. En plus, il est malin, hein. il est malin, c'est tout. En plus, il court. C'est marrant, parce qu'ils font des tours de piste. Ouais, c'est la course poursuite la plus longue de l'histoire du cinéma, je crois. Il part, mais vraiment sur un anneau. Elle lui tire dessus déjà. Ah oui, tire autour de Jean Reno. Ah oui, elle fait une Pulp Fiction. En fait, voilà, elle la poursuit. Et en fait, elle lui tire. Elle veut pas tuer Jean Reno finalement. Elle l'a en face de lui avec son flingue. Donc du coup, elle tire tout autour de Jean Reno. Et à mon avis, tu sais, elle est clown dans un cirque, tu sais. Moi, j'ai cru qu'elle allait se barrer en monocycle. Limite, elle a dessiné sa silhouette. Hein. Oui. Non, non, mais c'est un peu long. Et à la fin, moi, j'ai l'impression, tu sais, Cassel, il lâche l'affaire, il tombe et il se met au sol. J'ai vraiment l'impression que, tu sais, il est vénère. J'ai vraiment l'impression qu'il va sortir son gun pour tirer en l'air, genre. Bon, en fait, il le fait pas. Et après, il va chercher. Il retourne au cimetière. Et là, c'est à ce moment-là que les pièces du puzzle vont s'assembler. Alors un puzzle de 4 pièces, hein, parce que vraiment, c'était pas non plus fou. Ce qui est drôle, c'est qu'il est policier, donc il pourrait très bien y aller en journée et dire au gardien, j'ai une enquête à faire, il faut m'ouvrir la tombe. Et non, il préfère y aller la nuit. Et la nuit d'orage, ouais. Ouais, la nuit d'orage, ouais. Pour la profaner, du coup. Avant de parler de la course-poursuite entre Laurent Lafitte et la truc en bagnole. Donc là, on comprend le principe du film, c'est l'échange d'enfants. Et en fait, je comprends pas du tout en quoi ça crée une société nazie. En fait, c'est parce que ils font pas d'expérience. Non, mais il y a tout un truc comme quoi. Mais en fait, il y a pas d'expérience en réalité. Au début, on dit qu'ils se marient entre eux, qu'ils veulent rester dans la famille. Mais oui, mais on s'en branle. Les consanguins, ils sortent du système, et ensuite il y a des enfants normaux qui arrivent. Mais je vois pas en quoi c'est des enfants supérieurs. Mais le problème, c'est qu'ils arrivent plus à faire des enfants supérieurs parce qu'à force de coucher entre eux, ils ont des enfants qui ont des maladies. Et pour éviter ces maladies, ils décident d'échanger leurs enfants avec les enfants des montagnards, des villageois qui sont pas loin, pour les marier, pour avoir une nouvelle race d'enfants plus pure, quoi, moins malade. C'est ça ? T'avais pas compris ? Ouais, mais en quoi ça crée une race supérieure ? C'est pas ça le principe. Non, je pense qu'ils essayent d'éviter d'être débiles, tout simplement. Là, au début, c'était race supérieure. Ouais, en fait, ils sont en débit, ils faisaient des débilos, et à la fin, ils veulent. Excusez-moi, mais les enfants de montagnards ne sont pas non plus des lumières. Enfin, en tout cas, les flics, effectivement. Ah, bah, en tout cas, alors, tous les flics du film, c'est des gamins échangés, ça, je peux te le dire, quoi. Complètement con. Par contre, ce qui est marrant, c'est que les flics sont complètement débiles, mais c'est quand même un flic qui lit le mémoire du chercheur de 700 pages, quoi. Ouais, c'est un peu le commissaire. Et qui lui fait, il a rien compris. Il fait, à force de lire tout ça, j'ai mal au cœur. Il dit un truc complètement con. Avec l'accent belge? Mais surtout qu'il détecte le fond un peu nazi, quoi. Le mec, s'il dit limite, s'il lui parle pas d'Heidegger, quoi. T'as l'impression qu'il a fait 18 ans d'études, quoi. La course poursuite, quelqu'un a quelque chose à dire, à part que, comme dans Speed, la route est fermée au bout d'un moment. En voiture? Ouais. Bah, moi, j'ai quelque chose à dire, c'est que Jean Reno, on a vraiment l'impression qu'il en a rien à foutre de tourner ce film, quoi. C'est-à-dire, il est là. Vas-y, shoot-le! Mais tire! Tire! Tue-le! Aucune conviction, c'était vraiment nul. Je sais pas, vous avez pas noté ça? Non, mais franchement, là, c'est la dernière scène, c'est peut-être qu'ils l'ont tourné à la fin. Genre, là, il pense à son chèque, tu vois, il est pas du tout. Mais en fait, il, à la fin du tournage, il avait ses 2 semaines au ski à Voriaz et il voulait se dépêcher. Après, il y a une scène qui n'a pas de sens, c'est-à-dire qu'ils veulent absolument monter dans un téléphérique. À la fin, ça va vraiment très très vite parce que je pense qu'il y a des scènes qui ont dû être coupées, mais ça va vraiment très très très très très vite. Ils savent qu'ils sont en haut de la montagne. Enfin bon, c'est pas trop expliqué. Et tu sais pas pourquoi les flics disent non, on monte pas dans le téléphérique. Alors, au lieu d'éteindre le téléphérique qui pourrait être une solution plausible, ils vont rien faire. Mais surtout, c'est qui s'en occupe de ce truc, quoi. C'est marrant parce qu'ils montent dans le téléphérique, il fait nuit, ils arrivent, il fait jour. C'est limite s'ils ont pas une barbe et des cheveux longs, quoi. T'as l'impression qu'ils ont voyagé une semaine en téléphérique. En fait, t'as pas remarqué qu'ils étaient plus copains à la sortie, ils ont vachement échangé, ils ont parlé 13 heures, ils ont pique-niqué. Mais surtout que c'est vraiment un truc de flic, genre, non, genre, Renaud, il fait, non, mais j'y vais tout seul. Mais pourquoi tu vas tout seul, en fait? Tu dois te venger, t'as un truc à faire. D'ailleurs, hyper chelou parce qu'il veut y aller tout seul, mais il se rend pas compte qu'il y a Vincent Cassel, en fait, avec lui. Je veux garder les honneurs pour moi. Moi, ça, j'ai pas compris, quoi. Mais surtout, alors, quand ils arrivent là-haut, moi, il y a un truc qui me fait marrer, c'est qu'en fait, en haute montagne, donc tout le monde a des trucs, The North Pole, genre hyper chaud et tout. Eux, ils sont encore avec leurs 2 petits cuirs noirs, tu vois. En vrai, tu fais ça en haute montagne, mec, tu tiens 10 minutes, t'es glacé, quoi. Ouais, et donc, moi, je me rappelle plus ce que c'est, hein, mais là, j'ai mis en haut de la montagne égale. Wow, le jeu d'acteur. Je pense que c'est un petit peu comme dans la bagnole, quoi. Ah oui, mais ça, je pense que tu fais référence à la gonzesse qui joue vraiment pas bien. Elle joue pas très bien. Et surtout qu'elle joue son double maléfique qui est encore plus terrible que sa version normale. Et c'est un enfer. Ah ouais, c'était pas bon. Hein. Ah ouais, qu'est-ce qui vous a fait mal au cœur, ce petit zoom inversé, là, le zoom du mal au cœur, là, sur la... Oui. Twist final. Donc après, ils se prennent une avalanche dans la gueule. Alors bon, tu survis une avalanche. Attends, je peux juste poser une petite question. Parce que, si vous voulez, moi je l'ai pas vu en accéléré, hein, comme toi, Greg. Mais j'ai rien compris à la fin. Ah, mais moi je n'ai rien compris. Ah, je l'ai écrit. C'est écrit là. Je l'ai même écrit en majuscule. Rien compris. Alors que je n'ai rien compris à cette fin. Je comprends pas la fin. Qu'est-ce qu'elle voulait faire? D'ailleurs, est-ce que. J'ai un quiz pour vous. À la fin du film, elles sont en vie. Et laquelle est en vie? Ah, bah oui, du coup. Bah, c'est la gentille. Bon, Julie, t'as triché, t'as vu le film il y a 10 minutes. Mais moi, je m'en souviens déjà plus. C'est-à-dire que pour moi, Jean Reno et Vincent Cassel, ils sont en vie, mais les deux gonzesses, je sais pas. Il y en a une qui serre plus les mâchoires que l'autre et qui a un doigt en moins. Tu peux la remarquer facilement. Ouais, c'est elle qui se fait embarquer dans l'avalanche. Ah ouais, bah eux aussi. Hein. Mais bon, eux, ils sont cachés derrière un objet qui fait 100 tonnes. Donc c'est potentiellement plus dangereux encore. Ils se font sortir de l'avalanche et au lieu d'être transportés aux urgences, ils boivent un thé, quoi. Ouais, c'est vrai. Ils saluent une petite club. Ouais. D'ailleurs, il y a un truc, bon, ça, après, c'est juste un raccord foiré, mais. En vrai, tu sors d'une avalanche, je pense que t'es glacé. Oui. Ils sortent, surtout, ils ont pas un pet de neige sur eux, ils ont leur petit cuir tranquille. Quoi. Et d'ailleurs, est-ce qu'on parle de cette plus grande feinte du scénariste et au fait, pourquoi t'as toujours eu peur des chiens? Ah, et la bruit d'hélicoptère. Est-ce que ça c'est pas juste un scénariste qui a eu la flemme de finir quoi? Enfin, ouais, attends, c'est vraiment bâclé. Hein. Attends, mais on dirait la fin de la cité de la peur quoi. Et pourquoi quand tu rigoles tu vomis et avec le non mais tu vois avec le travelling arrière et la petite musique qui apparaît. Enfin, c'est la même fin. C'est juste scandaleux de faire ça quoi. Moi j'imagine vraiment la salle des scénaristes genre. Mais pourquoi il aurait peur des chiens alors? Bon je sais pas mais l'hélicoptère hein, c'est pas grave on s'en sortira comme ça quoi. Ouais, c'est un peu la honte. C'est un peu la honte quand même. Voilà, moi je première fois que je le voyais, dernière fois sans doute. Ma deuxième fois, la première fois que j'avais déjà oublié, là je l'ai déjà oublié. J'ai re-oublié. C'est marrant parce que moi c'était la deuxième fois, mais pourtant il m'avait bien marqué, mais de manière, très douloureuse quoi. Miguel. Oh, je vais regarder le 2 ce soir, je pense. Deux scénarios B. Un 2 Non, mais on le fera peut-être ici, mais j'ai peur que personne ne l'ait vu. Donc. Nous, on va scénario Besson. Scénario Besson. Oh là là là. Ça paye du lourd. On va être obligé de le faire. Et c'est Benoît Magimel qui remplace. C'est vrai. Et il n'y a plus Laurent Lafitte. Oh là là là. Mais il y a Gilles Lelouch. Oh là là là. C'était notre avis sur ce film. C'est l'heure d'un second avis. Je n'ai que faire de votre opinion, n'insistez pas, c'est inutile. Vous savez, les avis, c'est comme les trous de cul, tout le monde en a un. Alors, je suis allé voir, comme d'habitude, les commentaires 5 étoiles sur Allociné et Amazon. Oui, fantastique. J'en ai trouvé 5. Oh. Voilà. Alors, le premier m'a fait rire à cause d'un mot que je n'avais pas entendu depuis 1963. Les Mathieu Kassovitz a réussi une prestation cinématographique hors du commun, même si de nombreux critiques le dénigrent. En revanche, on retrouve les bases de Seven, la complicité des deux flics et la recherche du mobile. La montagne, la façon dont sont filmés les plans impressionnent. Les acteurs sont également fantastiques. À la fin, on est totalement blousé. Tu sais, au bout d'un moment, ces commentaires, j'ai l'impression que c'est toujours la même, une même personne qui les fait tous, tu sais. Non, mais l'analogie assez fun, c'est juste complètement copié, mais en raté, quoi. Enfin, c'est notre Seven français. Ça revient beaucoup dans les commentaires. Non, mais c'est vrai, c'est un Seven français, mais j'ai même pas pensé. Ouais. Sans les 7 péchés capitaux, sans l'intérêt, en fait, du truc, quoi. Ouais, mais il y a Grenoble bien, aussi dans ce film. Ça, ils l'ont pas dans Seven, ils ont pas ça, le Grenoble. Dans Seven, ils ont pas Vincent Cassel qui fait du Kung Fu. Arrête l'accent belge, c'est trop. Alors, on a comme Tézer qui nous gratifie d'un petit commentaire, qui lui dit un bon thriller, deux flics, le jeune et le vieux Briscard aussi. Oui, c'est pas vrai. Enquête sur des affaires totalement différentes, mais qui aboutissent toutes aux mêmes conclusions. Deux points. Incroyable. Un élevage de nazis dans les montagnes. Un élevage de nazis. Ouais, mais c'est à côté des vaches, il y avait un enclos de vaches et de l'autre côté, il y avait un enclos de nazis en fait. T'as des mecs avec des grandes bottes et des monocles. Bon, les nazis, vous faites pas chier les vaches, hein. Les dernières fois, ils ont pas pu dormir. Alors on a un autre commentaire. Alors ils mettent pas leur nom, c'est dommage, un visiteur. Un des rares réalisateurs français qui peut foutre une pâtée magistrale à l'oncle Sam. Déjà c'est tellement faux, ouais. Il dit un meneur de comédien qui fait vrombir la baguette. Il y a que des mots anciens. Vrombir, velouser. Et il dit, là il s'énerve, il fait: quant à ceux qui pensent que ça ressemble à du Seven sauce française, ils n'ont pas forcément tort. 5 étoiles. Alors, on a un visiteur encore qui dit, il doit avoir des problèmes sexuels, je pense. Il dit, pour ceux qui aiment les thrillers, ne manquez pas ce film qui pendant 2 heures vous laissera sans souffle. Les acteurs sont parfaits, même la tête de Reno fait peur. Pour les hommes, amenez une copine potentielle. Elle aura peur et elle voudra s'accrocher à vous, profitez-en. Oh my god. Oh là là, le tocardo. Le tocardo. Oh, c'est pas possible. Ah, Greg, non, mais attends, t'imagines le mec qui lit ce commentaire et qui fait... Mais grave. Pas bête. Je cherchais un film justement pour regarder avec Justine jeudi soir. Alors, enfin, pour finir, on a Manon Bouvier. Qui dit, j'aime trop moi quand c'est prénom, nom de famille. Là, pour le coup, elle a mis les deux. Elle dit, excellent film. Beaucoup de suspense. J'ai deux enfants, un de 14, un de 11 ans. Ils ont adoré. Bon, il y a quelques passages violents. Mais bon, faut pas montrer ça à des moins de 10 ans. Voilà, c'était notre avis et celui des autres sur les rivières pourpres. Un commentaire, des réactions sur notre Twitter @2_HDP. Oui. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre film. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Ciao. Ciao.